Terre de sable d'Attaque Québec. Aujourd'hui au Grain de sable, crise écologique et crise anthropologique. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable d'Attaque Québec. Encore une fois, donc une émission toujours haute en couleur, vous allez voir. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je vais animer pour la première partie et à la pause, ce sera Cédric qui prendra le relais. Alors pour l'animation, pour la deuxième partie de l'émission. Alors, Cédric sera déjà avec nous en première partie pour nous parler d'un texte de Samir Abi d'Attaque Togo, donc qui porte sur les changements climatiques et la conférence de Durban qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud sur la question donc des changements climatiques dans le cadre des Nations Unies. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est Cédric qui passera de l'autre côté du micro pour interroger cette fois Robert Jasmin qui nous fait le plaisir de venir nous parler d'un article paru dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Et c'est ça, cet article qui porte quant à lui sur la dimension anthropologique de la crise actuelle. Alors, vous verrez avec lui ce que ça veut dire exactement, mais avant, on commence bien sûr avec une pièce musicale sur les ondes de CKRL 89.1. Alors, la pièce de Kenny Arcana, Une goutte de pluie. Thank you. Alors, c'était Une goutte de pluie avec Kenny Arcana, alors, pour sauver la planète. Alors, ça m'a beaucoup inspiré, j'espère. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, alors, vous écoutez présentement le grain de sable sur CKRL 89.1. N'oubliez pas que c'est la radio qui cultive vos goûts. Alors, comme je vous disais, on va se tourner maintenant vers la question de l'environnement. On sait que la situation est de plus en plus alarmante, mais la gravité de la crise économique mondiale a en quelque sorte contribué à évacuer cet enjeu de l'avant-plan médiatique. Vous l'avez sûrement remarqué dernièrement, on en parle un peu moins. Bien sûr, ça ne veut pas dire que le problème en lui-même a disparu. Comme nous le rappelle notamment Samir Abi, donc secrétaire général d'Attaque Togo. Donc, c'est dans un texte qui est apparu cette semaine et dont Cédric Leterme, notre super réalisateur de l'émission du Grain de Sable. Mais non, mais j'aime ça, moi, dire ça. Ah, vas-y. Donc, vas-y. Il est là aujourd'hui en studio pour nous parler aujourd'hui de ce fameux texte. Alors, bonjour Cédric. Mais bonjour Valérie, bonjour tout le monde, quel accueil. Ah, on aime ça. On est bien. Oui, on est bien. Cédric, on va peut-être procéder d'abord à une petite mise en contexte, si okay. Tu veux bien. Si tu commençais peut-être par nous dire qui est ce fameux Samir Abi, mm-hmm. Et dans quel contexte il a écrit ce texte, quand et pourquoi? Ok. En fait, comme tu l'as dit, Samir Abi, c'est le secrétaire général d'Attaque Togo. Il a écrit le texte en question suite à une conférence qui vient de se tenir au Bangladesh sur la vulnérabilité climatique et qui regroupait en fait les 18 pays considérés comme les plus exposés, donc les plus vulnérables, aux effets des changements climatiques, dont le Togo évidemment fait partie. Le but de cette conférence-là, c'était de réfléchir sur des moyens pour ces petits pays-là. Souvent, c'est malheureusement des petits pays qui subissent le plus et des pays pauvres en plus. Donc, c'était essayer de trouver des moyens de peser justement sur la conférence climatique de l'ONU, COP17 on appelle ça, donc c'est la 17e conférence des parties, Conference of Parties, qui va se tenir, qui se tient en fait actuellement à Durban en Afrique du Sud. Donc c'est dans ce contexte-là, avec des grosses échéances internationales qui arrivent, puisqu'il y a aussi une autre conférence qui est prévue en 2012, qu'on appelle Rio plus 20, puisque la première grande conférence sur la question climatique, elle s'est tenue à Rio en 1992, et donc maintenant 20 ans après, on en réorganise une au même endroit pour rediscuter de ces enjeux-là, puis faire un petit peu le bilan. Donc c'est avec ces grosses échéances-là, et aussi avec une crise économique, comme tu l'as dit, qui a tendance à reléguer un petit peu au second plan la question environnementale, que Samir Abi a écrit ce texte-là, qui est paru sur différents sites altermondialistes, notamment celui du CADTM, sur lequel je l'ai lu, et il donne une vision assez désabusée, lui, du processus onusien, donc du processus des Nations Unies de lutte contre les changements climatiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce qu'il en dit exactement? En fait, d'abord, il revient dans son texte sur l'échec de Copenhague en 2009, qui était donc la COP, COP 15, COP 15, et à travers cet exemple-là, à travers l'exemple de l'échec de Copenhague, il pointe vers les limites de ces grands sommets internationaux où, malgré l'image qu'on donne, c'est des images d'inclusion, la société civile est invitée, il y a beaucoup d'ONG qui participent, on va se mettre ensemble, on va trouver des solutions, etc. Il y a tout un brouhaha médiatique autour de ça, surtout à Copenhague, ça s'est un petit peu tassé depuis. Malgré toute cette agitation-là, finalement, il y a très peu de choses qui se décide, mais surtout, lui, la critique qu'il fait, c'est que, d'après lui, les principaux intéressés n'ont en fait absolument pas voix au chapitre. Qu'est-ce qu'il entend par principaux intéressés? Il nous dit, par exemple, que des paysans d'un village proche de Bamako ont entendu parler de ces grandes négociations internationales seulement il y a un mois, alors qu'elles ont cours depuis des années. Eux, ils en ont entendu parler qu'il y a un mois, pendant les contre-sommets qui ont été organisés dans le cadre du G20. Et ça, c'est d'autant plus surprenant que ces personnes-là, ces paysans-là de la région de Bamako, ils sont directement affectés par les changements climatiques. C'est-à-dire qu'eux subissent non seulement les sécheresses, ils sont aussi en première ligne en ce qui concerne les accaparements de terres, c'est-à-dire qu'il y a une grosse lutte qui est en train de se mener actuellement pour la gestion de la terre, pour en faire des agrocarburants, pour en faire de la captation de carbone, etc. Donc il y a plusieurs pays qui achètent des terres en Afrique, notamment la Chine, mais aussi d'autres pays et des multinationales aussi qui le font, qui achètent de la terre pour pouvoir l'utiliser après dans ce contexte de gestion de l'émission des gaz à effet de serre, etc. Donc, ces paysans-là sont les premiers concernés et ils n'étaient absolument pas au courant. Donc, pour lui, pour Samir Abi, et là je cite, c'est ses propres mots, les COP, donc ces conférences aux Nations Unies, restent des sommets finalement entre élites intellectuelles et nanties, liées par des intérêts financiers, profit pour les uns, subsides pour les autres. Donc, c'est assez dur comme critique. D'après lui, ça a été de nouveau la même chose à Cancun l'année dernière, donc qui était la COP 16, avant la COP 17 de cette année. Et donc ce sera pareil finalement à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que ces paysans-là de Bamako, pour reprendre leur exemple, n'ont tout simplement pas les moyens de se se rendre dans ces grands, dans ces grandes foires internationales et donc de s'y faire entendre, quoi. Donc c'est vraiment un gros, ils ont comme pas le pouvoir en fait de se faire entendre. C'est ça, puis, c'est les premiers concernés puis les premières victimes. C'est vraiment, effectivement, c'est un gros problème. Mais bon, avant de poursuivre là-dessus, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être un court instant sur Copenhague, puis dans le fond nous rappeler qu'est-ce qui avait été décidé là-bas, donc en 2009, et pourquoi ça a été considéré comme un échec il y a 2 ans? Oui, bien sûr. Donc en fait, un des enjeux principaux de Copenhague, qui est toujours actuel, c'était de trouver une suite au protocole de Kyoto qui va arriver à terme l'année prochaine, donc en 2012. Jusqu'à présent, c'était le seul instrument juridique contraignant dont on disposait au niveau mondial pour lutter contre les réchauffements climatiques. Le problème avec Kyoto, non seulement il n'a absolument pas été respecté, ça c'est déjà un gros problème, mais en plus, la situation internationale qui prévalait au moment de son adoption, elle n'est plus du tout la même. C'est-à-dire qu'en fait, entre-temps, les pays émergents, donc on parle de la Chine, de l'Inde, du Brésil, etc., ont acquis un poids économique considérable au niveau international, tandis que les pays dits développés, eux, ils sont particulièrement mal en point. Et ils ont perdu beaucoup de terrain par rapport à ces économies-là. Donc ces pays développés qui avaient accepté de supporter le plus gros du poids de l'ajustement en 92, maintenant ils ne sont plus du tout prêts à faire les mêmes efforts et surtout à être quasiment, en tout cas être ceux qui doivent fournir le plus gros effort, tandis que les pays émergents, eux, revendiquent, malgré le fait que oui, ça va mieux pour eux pour l'instant, mais ils sont encore loin d'être pleinement développés, et revendiquent ce droit au développement. Ils disent, bon, vous avez émis énormément de pollution pour vous développer, on a aussi le droit d'arriver au même niveau de confort, donc il est hors de question qu'on se contraigne là-dessus, parce que vous avez abusé dans le passé. Donc c'est vraiment une question de rapport de pouvoir. Derrière ces luttes de pouvoir-là et ces luttes de pouvoir économiques, il y a évidemment l'urgence écologique, à proprement parler, qui se contrefout finalement de savoir qui se développe quand, mais qui, voilà, l'urgence, elle est là, elle est de plus en plus palpable, et cet enjeu-là, il est porté surtout par les pays les plus vulnérables, mais qui malheureusement n'ont pas le même poids politique et géopolitique pour faire valoir cette urgence-là. Donc malheureusement, elle pèse pas lourd, hein, la situation proprement écologique, ce qui devrait être l'enjeu des discussions, ça pèse finalement pas très lourd devant les intérêts économiques et géopolitiques colossaux qui sont en jeu. Résultat, donc, pour en revenir à Copenhague, ce qui s'était décidé au final, c'était presque rien. Il n'y a pas eu de déclaration unanime, comme c'est traditionnellement le cas. Ce qu'il y a eu, c'est un pseudo-accord conclu in extremis entre les États-Unis et la Chine, auquel d'autres pays se sont ralliés par la suite, mais pas la totalité. Ce pseudo-accord-là, il est doublement inquiétant parce qu'il implique la notion de promesse. Donc on abandonne la notion d'engagement qui prévalait au niveau de Kyoto et qui fait que l'État est obligé, c'est un engagement contraignant. Puis il y a des mécanismes de contrôle, même s'ils ne sont pas efficaces, c'est quand même un engagement juridique qui a un certain poids. Maintenant on parle de promesse, c'est-à-dire que chaque État promet de réduire d'autant ses émissions, c'est purement sur une base volontaire, sans qu'il y ait absolument aucun moyen de s'assurer qu'il le fasse. Et en plus, l'autre problème, c'est que quand on additionne les différentes promesses qui ont été faites à Copenhague, en fait, on n'arrive pas du tout au seuil total qui serait considéré comme indispensable et minimal par la communauté scientifique, et ça, simplement pour éviter une catastrophe. Puis je suppose aussi qu'il n'y a pas vraiment de délai là, non plus. On promet, mais... Voilà, il n'y a pas de délai non plus. Pas de délai non plus. Donc, on sait pas quand ça pourrait avoir lieu. Donc, on peut comprendre mieux que ça a été considéré comme un échec maintenant. Mais bon. Après Copenhague en 2009, il y a bien eu Cancun en 2010. Alors, qu'est-ce qui a été décidé là-bas? Mais déjà, suite au fiasco de Copenhague, Cancun, ça a nettement moins fait l'objet d'un engouement médiatique. On en a beaucoup moins parlé. En fait, ce qui s'est passé à Cancun, c'est qu'on a essentiellement essayé de donner une consistance juridique justement à cette espèce de déclaration pas très juridique qui avait été faite entre les États-Unis et la Chine. Donc, on avait conclu cet accord-là à la dernière minute. Certains pays l'avaient soutenu, pas tous. Donc, ça ne pouvait pas constituer un document de travail en tant que tel pour les Nations Unies. Donc, ce qu'on a fait à Cancun, c'est qu'on a adopté finalement cet accord-là, ce qui est de nouveau un échec. Et donc, cette déclaration est devenue une déclaration de l'ONU dans son ensemble. Et donc, elle constitue depuis lors le cadre de travail officiel dans lequel se mènent les négociations. Donc là, c'est un gros problème, puisque on comprend bien avec cet accord-là qu'on ne tue pas officiellement Kyoto, mais on le vide concrètement toute substance. C'est-à-dire pour la période, pour la nouvelle période de réduction qui s'annonce après la première qui va donc prendre fin en 2012, comme j'ai dit, on ne fixe pas de date limite. Les pays peuvent choisir leur année de référence, qui est un gros enjeu aussi, puisque jusqu'à présent, on calculait les engagements de réduction sur la base de 1990, les États-Unis et le Canada notamment sont arrivés à Copenhague en disant non, nous on va utiliser l'année 2005 comme référence. Donc ils annoncent qu'ils vont, ils vont réduire leurs engagements, leurs émissions pardon, de 20% par rapport à 2005, mais quand on mesure par rapport à 90, ça fait jamais que 2-3%. Donc c'est juste une façon de présenter des grosses réductions qui en fait sont ridicules, parce qu'entre 90 et 2005, ils ont continué d'augmenter évidemment. Donc ils ont vraiment changé l'année de référence. Ils ont changé l'année de référence et ça a été entériné par l'accord. Donc ça, c'est de nouveau un gros problème. Mmh. C'est clairement insuffisant. À côté de ça, il faut quand même mentionner qu'on a créé à Cancun un fonds vert international qui doit permettre d'aider justement les pays en voie de développement à s'adapter eux aussi aux nouvelles normes environnementales, puis à pouvoir se développer, mais selon des normes plus strictes au niveau environnemental. Donc ça, ça pouvait être un point positif, mais il y a encore ces problématiques puisque le financement de ce fonds n'est pas garanti, on n'a pas d'engagement précis, il sera principalement dévoué au privé et donc il sera guidé par une logique de rentabilité et pas spécialement par une logique de quel pays en a le plus besoin et quel projet serait le plus écologiquement responsable, socialement responsable, etc., etc. Alors je suppose que la FMI et la Banque mondiale sont un petit peu là-dedans. Oui, la Banque mondiale en fait, c'est la Banque mondiale qui se retrouve gestionnaire de ce fonds-là, ce qui n'est pas spécialement de bon augure aussi quand on sait qu'elle continue de subventionner des projets qui sont catastrophiques pour l'environnement. Elle est plus axée sur une logique de profit, sur une logique économique, que sur une logique d'environnement. Donc, s'ils intègrent la dimension environnementale, c'est toujours dans une perspective économique. Donc, tout ça fait qu'effectivement, il y a des gros doutes sur ce qui s'est fait à Cancun. Alors, je comprends bien, on peut résumer ça qu'il y a peu d'optimisme. Oui, peu d'optimisme sur le processus onusien. Et effectivement, quand on lit le texte de Samir Abi, il y a peu d'optimisme. Bon, alors, chers auditeurs, je vous propose une petite pause, une pièce musicale, juste pour nous changer un petit peu les idées, là, quelques secondes, avec les Cowboys fringants. Et nous avons choisi pour vous 8 secondes. Alors, vous écoutez Le Grain de Sable à CKRL 89.1. Toutes les 8 secondes, un enfant qui rêve au ciel monde. Parce qu'il n'y a pas Axel Rouillon, dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui a séché les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con pourrait abreuver les humains, leur assurer un lendemain, mais l'Occident s'en lave encore les mains. Alors que toutes les 8 secondes, c'est sur l'air des profits immondes. Chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui, la source est cotée en bourse. On nous dit que c'est inépuisable, on a besoin de gestion viable, et c'est une pièce au bout de l'eau potable. Tant qu'il n'y a pas la flou, sans les fonds de la propre flou, sans se soucier des écosystèmes. Il ne restera qu'une seconde. Alors voilà, c'était le cowboy fringant, 8 secondes. Alors ici, on rien de simple. Ça s'est fini en 8 secondes. Ça a été sec. Alors, on discutait juste avant, les plus sérieusement. Mmh, oui. Évidemment. Tu reprends notre phase sérieuse. Oui, oui, oui. Donc, les négociations. On a perdu Valérie. Bon, on revient. Alors, ça arrive, un fou rire, chers auditeurs. Alors, on revient. Ce sont les négociations internationales qui sont poursuivies, qui entourent la lutte contre les changements climatiques. Et tu nous parlais donc du texte écrit par Samy Rabhi, secrétaire général d'Attaque Togo, et qui est assez pessimiste, n'est-ce pas, ouais. Si vous étiez avec nous juste avant cette pièce musicale. Donc, par rapport à la possibilité de voir ces négociations aboutir à quelque chose de concret. Alors, on est d'abord revenu ensemble sur les deux dernières conférences tenues en 2009 et 2010 à Copenhague et puis à Cancun. Si on passait maintenant à celle de Durban qui se tient en ce moment même en Afrique du Sud, quels en sont les enjeux exactement? Bon, allons-y. L'enjeu fondamental, ça reste le même en fait depuis Copenhague. Ça n'a pas vraiment évolué là-dessus. C'est de régler l'avenir du protocole de Kyoto, encore une fois, parce que sa première phase d'application, donc la première phase de réduction qu'il prévoyait, elle arrive à terme en 2012. Alors idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est se mettre d'accord sur une réduction coordonnée au niveau mondial qui permette de maintenir l'augmentation future de la température en dessous de 1,5 degré, 2 degrés gros maximum. Mais même là, si on va jusque 2 degrés, les effets sont incertains. Les scientifiques prônent vraiment 1,5 pour être sûr que ça ne dérape pas et que ça ne devienne pas hors de contrôle. Donc pour faire ça, c'est l'objectif, ça prendrait normalement des engagements fermes de la part des États, ça prendrait évidemment des mécanismes de contrôle plus efficaces, puisqu'on sait que même dans le cadre de Kyoto, les engagements n'ont pas été respectés, et puis c'est compliqué de s'assurer qu'ils soient respectés. Et ça prend aussi, on l'a vu, une assistance évidemment pour les pays en voie de développement, qui ont le droit aussi de se développer, mais qui n'ont pas spécialement les moyens de le faire d'une manière qui serait plus respectueuse de l'environnement. Malheureusement, ça c'est les objectifs, c'est le scénario idéal. Comme on l'a vu, ça ne prend pas du tout le chemin de ça, les négociations actuellement. Ce qu'on voit, en fait, c'est plutôt une absence complète de courage politique, mais c'est surtout la favorisation d'une approche qui est strictement économique de la question. Donc, en fait, on mise vraiment sur la green economy, comme on dit, le business vert, sur les marchés de carbone, sur des innovations technologiques, etc., comme si, en fait, la solution, elle pouvait passer par encore plus d'économies, alors que c'est justement, quelque part, ce trop-plein d'économies, c'est justement ce primat de l'économie qui a fait qu'on en est arrivé là, qui est la base du problème, quoi. Oui, c'est un peu la même chose en ce qui concerne la crise économique, non? Donc, on cherche à régler un problème avec les mêmes outils qui l'ont créé. Oui, en fait, c'est exactement ça. Puis tu fais bien de faire le parallèle avec la crise économique. Samy Rabhi l'a fait aussi, puisqu'en fait, évidemment, elle est directement liée à la crise environnementale. D'ailleurs, si on observe ces deux crises, on voit bien que leur solution commune, c'est-à-dire si on veut résoudre les deux, on ne peut pas passer par autre chose que par un changement complet de système, par un changement complet de paradigme. C'est-à-dire, d'une part, on ne pourra pas relancer la croissance sans tenir compte de ses coûts environnementaux. Et à l'inverse, on voit mal aussi comment on pourrait sortir de la crise environnementale avec des solutions qui seraient strictement économiques. Donc, c'est vraiment une remise en cause beaucoup plus profonde qu'il faut s'atteler, mais malheureusement, on voit bien que les dirigeants actuels ne sont pas prêts à aller jusque-là pour l'instant. Mais c'est difficile de se remettre en cause. Oui, hein? Oui, c'est sûr, on le voit. Hein? En tout cas, il y a peut-être que certains y peuvent. En tout cas, il y a notamment la Bolivie, non? Oui, oui, oui. Donc, ils poussent plus pour une vision alternative de la lutte contre les changements climatiques, c'est bien ça? Oui, effectivement, c'est un bon exemple. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en 2006, la Bolivie s'est vraiment placée à l'avant-garde, en fait, en tout cas au niveau des États. Puisque, évidemment, il y a des groupes, des ONG qui luttent là-dessus depuis très longtemps, mais au niveau des États, la Bolivie s'est vraiment placée à l'avant-garde de la question environnementale et propose vraiment une vision alternative et s'y tient. C'est ça qui est impressionnant. À Copenhague, c'est un des rares pays qui a lutté jusqu'au bout contre les orientations qui étaient prises. Et ce, malgré les pressions considérables qui étaient exercées. Il faut savoir que il n'y a pas eu d'accord unanime à la fin, mais il y a eu des pressions de couloir, des pressions en coulisses sur les pays pauvres pour qu'ils acceptent cet accord à minima, en leur disant « si vous acceptez de signer ça, on vous donnera des fonds, on vous aidera, etc. » Les États-Unis avaient même fait la menace de manière explicite et ouverte en disant « on est prêt à donner 100 milliards au fonds vert, mais à condition qu'on réfute le protocole de Kyoto et qu'on fonctionne sur la base de l'accord qu'on vous propose. » Donc c'était vraiment du chantage pur et simple. La Bolivie n'a pas craqué, il y a d'autres pays qui ont craqué. La Bolivie est vraiment restée sur ses positions, et elle a proposé des solutions aussi alternatives, c'est-à-dire qu'elle arrivait avec des notions de dette climatique, c'est-à-dire que selon elle, ben, les États développés ont empiété sur la cote, si vous voulez, de pollution des autres États pour se développer eux-mêmes. Donc, ils doivent aux États en développement cette part-là de pollution, en tout cas cette marge de manœuvre-là pour pouvoir se développer. Donc, ils ont vraiment essayé de faire reconnaître cette notion de dette climatique. Bon, on avait parlé aussi à l'émission, je ne vais pas revenir dessus, sur la notion de bien vivir qu'ils essayent de mettre en avant en Bolivie. Ils ont proposé aussi de reconnaître des droits de la terre-mère. On peut débattre aussi sur cette notion-là, mais en tout cas, c'est des propositions. Et ils ont organisé entre-temps à Cochabamba, donc en Bolivie, en 2010, un contre-sommet, un sommet alternatif, un sommet des peuples sur la question environnementale. Et une des propositions qui a été faite pendant ce sommet-là, c'était d'organiser un référendum planétaire populaire sur les solutions à apporter à la crise environnementale. Face au constat de l'incapacité des États, l'incapacité des dirigeants à agir et à prendre les solutions qu'il faut, qui deviennent de plus en plus urgentes, ben, eux disaient, ben, tant pis, on se tourne directement vers les populations qui sont probablement plus raisonnées que leurs dirigeants, puis on leur demande à elles comment est-ce qu'elles voudraient le faire, et puis on applique alors ce qui pourra en sortir. Donc on voit bien que là, il y a des propositions qui sont beaucoup plus intéressantes, mais la question, comme toujours, c'est comment est-ce qu'on les fait advenir, puisque c'est bien beau de proposer ces idées-là, mais malheureusement, ça reste dans le cadre de l'ONU que des décisions contraignantes peuvent être prises, des décisions à caractère officiel. Puis c'est plus difficile de les appliquer, si je comprends bien. Ouais. Alors, tu nous as montré qu'il y a quand même il y a beaucoup de bonnes idées, ça manque pas. Bien sûr. Mais des fois, on sent que c'est la volonté politique de les mettre en œuvre qui manque. C'est toujours le petit bout qui manque, oui. Et oui, alors c'est pourquoi, chers auditeurs, il ne faut pas cesser de se mobiliser. Voilà. Alors là-dessus, moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'est Cédric qui prendra le micro à ma place pour la dernière partie de l'émission. Alors, on se quitte le temps de quelques publicités. Et au retour, Cédric sera en entrevue avec Robert Jasmin pour parler cette fois d'anthropologie. Alors, à tout de suite. Le dimanche de 13h à 14h30, CKRL vous invite à faire un détour par les routes enchantées en vous laissant envoûter par les harmonies du 89.1. Cette émission est une présentation de la librairie La Fée Enchantée, spécialisée en santé au naturel, spiritualité et écologie. Dans une atmosphère calme et sereine, vous y retrouverez livres, thé, pierres, cristaux, encens, tarots, pendules, en plus de la musique Nouvel Âge, de méditation et de relaxation. Partagez un moment de détente au 770 rue Saint-Jean et venez découvrir ou redécouvrir la feuille enchantée. Pour information, 522-1234. Notez également que nous avons une librairie à Victoriaville. À CKRL, le retour, c'est l'animatrice Tania Beaumont et ses collabos complices à Change de disque. Du lundi au vendredi, dès 15h30. Explorer l'univers des arts visuels sous toutes ses facettes. L'aérospatiale, animée par Julie Gagné, mardi, 17h30. Seulement au 89.1. Vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1, donc c'est Cédric Le Terme qui vous parle. J'ai pris le relais de Valérie Blouin, votre animatrice unique et préférée, qui a dû s'absenter. Donc elle sera de retour la semaine prochaine, je vous rassure. Nous, pour la deuxième demi-heure, on va la consacrer finalement à un article qui est paru dans Le Monde Diplomatique de ce mois-ci et qui s'intitule « Sauver le genre humain, pas seulement la planète ». Je trouve ça intéressant puisqu'on vient d'évoquer l'urgence de la situation écologique, puis le fait qu'il y a vraiment un gros besoin de mobilisation là-dessus, puis c'est devenu récemment un enjeu sur lequel, ben, en tout cas, il y a un consensus sur le fait qu'il faut agir. Et là, on a un article qui nous dit « Bon, sauver la planète, c'est bien, mais il ne faudrait quand même pas oublier non plus de s'occuper du genre humain ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que l'auteur de l'article, Lucien Sève, entend par là? Ben, c'est de ça qu'on va discuter avec Robert Jasmin. Robert Jasmin, vous le connaissez bien ici à l'émission, évidemment, on ne le présente plus, ancien président d'Attaque Québec. Fraîchement retraité, ceci dit, de ses fonctions présidentielles, donc ça lui laisse tout le temps, ben, tant mieux pour nous, de venir nous parler. Alors Robert est à Montréal pour notamment une assemblée générale d'Occupons Montréal à laquelle il va assister cet après-midi, donc on l'a par téléphone. Bonjour Robert. J'entends difficilement, mais j'entends un peu. Ok, tu nous entends difficilement. On va essayer de bien parler fort alors. Oui. Comment ça va, Robert ? Oui, ça va. Ça va bien, bon, parfait. Donc, l'article de Lucien Sèvres, donc, dont on voulait parler aujourd'hui, il se base sur une distinction entre une crise qui serait écologique, qui est évidente en fait pour tout le monde, et d'ailleurs dont tout le monde parle, mais à côté de ça, lui, il distingue une crise anthropologique, qui d'après lui serait tout aussi grave, mais dont on parle presque pas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ben, la distinction qu'il opère, puis qu'est-ce qu'il entend, lui, par crise anthropologique ? Oui, en fait, si on parle de crise écologique, à n'importe qui autour de soi, il n'y a personne qui n'est pas au courant. Oui. Personne qui va, sauf quelques attardés du déni, tout le monde va reconnaître le réchauffement du climat dû au gaz à effet de serre nous mène à la catastrophe, que la pollution de la terre, de l'eau, de l'air atteint des seuils insupportables dans certains lieux, que l'épuisement des ressources non renouvelables condamne notre mode de production, il y a comme un consensus là-dessus. Et tous sont au courant. Pourquoi? À cause du discours des scientifiques, par les médias d'information écologique, c'est constant. Mais il y a peu de gens qui s'interrogent sur la crise anthropologique. Ça veut dire quoi? En d'autres mots, sur le fait que la dimension civilisée du genre humain soit en péril. Mm-hmm. Que nous soyons en route vers un monde humainement invivable, pas seulement physiquement, mais humainement. Et la question est la suivante, fondamentalement, quelle humanité voulons-nous être? Et c'est une question qui échappe, on dirait, complètement aux hommes et aux femmes politiques qui persistent à penser et à agir à court terme, puis en fonction de valeurs absolument impossibles à réaliser, comme la croissance continue et infinie. Et à titre d'exemple, je pense que, parce que tout ça, c'est un peu abstrait, là, mais à titre d'exemple, si on veut être concret, on peut parler du monde du travail, par exemple. Qui est qui est vraiment un exemple d'une vraie déshumanisation, puis un exemple majeur. Bon, juste que pour illustrer, on demande aux salariés d'être responsables, mais on leur enlève toute responsabilité. On exige des salariés qu'ils vivent en constante concurrence entre eux. Et on éradique par tous les moyens le syndicaliste qui, lui, rassemble et unit au lieu d'isoler. Et par ailleurs, pour ceux qui sont isolés, on cultive la pédagogie du « apprenez à vous vendre ». Alors, les salariés vivent sous une espèce de dictature permanente de la rentabilité. Et comme revers de la médaille, on donne des primes aux actionnaires en fonction de leur rapacité. Qui assure le règne des patrons voyous, finalement. Alors, voilà, c'est un exemple de déshumanisation et qui va complètement au-delà, pas au-delà, mais à côté des problèmes purement écologiques. Donc, il y a l'écologie, puis il y a l'humain. Autrement dit, la planète comme telle peut survivre comme planète. Qu'on y fasse n'importe quoi, la planète va survivre. Même sans vie, elle va survivre. Oui, mais ça. Est-ce que l'humain, est-ce que le genre humain va continuer à survivre d'une façon relativement civilisée? C'est la question qu'il pose. Donc ça, c'est la grosse question qu'il pose. Et donc lui, son constat, c'est que finalement, on ne se la pose pas assez, cette question-là. Et on n'a pas souvent conscience de l'ampleur du problème. Et donc, si je comprends bien, le but de l'article, en fait, c'est d'essayer de donner des pistes pour commencer à réfléchir sérieusement là-dessus, sur ce que lui appelle cette crise de l'humanité. Alors, ce que je voyais, c'est que pour faire ça, Lucien Sèvres, donc l'auteur qui est philosophe, il faut le rappeler, donc c'est peut-être pour ça aussi que l'article est souvent assez abstrait, mais extrêmement intéressant, puis il va vraiment toucher des enjeux fondamentaux. Donc lui, pour commencé à réfléchir là-dessus, ce qu'il propose, c'est cinq thèmes, en fait, qui, selon ses propres mots, là je vais le citer, peuvent structurer une pensée de l'humanité en péril. Alors, si tu veux bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est de les regarder un à un pour essayer de vulgariser aussi, puis de montrer c'est quoi cette piste de réflexion-là. Le premier de ces thèmes, c'est la marchandisation généralisée de l'humain. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là? Alors, en fait, l'auteur rappelle que le capitalisme a instauré le règne, on peut appeler le règne universel de la marchandise, qui est favorable, par exemple, à la vente du travail non payé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le travail n'est pas rémunéré en fonction de la richesse qu'il crée. Donc, il n'est pas payé à sa juste valeur. C'est ça. Et c'est sur quoi repose le profit. Le capitalisme aussi, l'auteur emploie un mot qui mérite d'être clarifié, là. Le capitalisme, dit-il, chosifie les personnes. Donc, il fait des personnes des choses. Et il personnifie les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? On va dire, puis je donne un exemple, on va dire, le capital donne du travail à la main-d'œuvre. Donc, on parle du capital comme si c'était une personne. Oui. Puis on dit qu'il donne du travail à la main-d'œuvre. Donc, la main-d'œuvre devient anonyme. Quand, en réalité, c'est le salarié qui est obligé de donner du travail en général presque gratuit aux capitalistes. Il y a d'autres dérives déshumanisantes qui illustrent la marchandisation. C'est qu'on soumet, par exemple, la formation des personnes au taux de profit que peut rapporter cette formation. Alors, par exemple, la recherche, la création, l'information, les sports, la santé, tous ces domaines d'activité humaine sont détournés de leur sens, de leur fin propre. Mmh. Et peut-être un exemple qui touche tout le monde, c'est la télévision, qui en soi, la télévision est un magnifique instrument de culture et même de solidarité. On peut aller jusque-là. Oui. Mais la télévision est devenue un simple moyen de vendre du temps de cerveau disponible. Et ça, c'est l'expression qu'un grand patron de la télévision française a. C'est le mot même qu'il a employé. Un petit excès de franchise excessive. Du temps de cerveau disponible. Oui. Donc, même le temps qu'on prend pour s'informer, pour se cultiver, est du temps pour créer du profit. C'est pareil avec l'université aussi, ce qu'on voit actuellement. Hein, c'est tout cet enjeu-là d'essayer de faire de l'université un investissement. Ils disent investissez dans votre avenir, créez de la valeur pour pouvoir ensuite récupérer votre investissement au lieu de voir l'université comme un lieu de formation en soi finalement, un lieu de formation de citoyens, d'esprit critique, etc. Exactement. Donc ça, c'était pour le premier point. Il parle après d'évaluation tendancielle de toutes les valeurs. Donc, de nouveau, c'est une expression qui est assez intimidante comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il veut dire par là que, par exemple, il donne certaines valeurs. Il va dire, par exemple, le souci du vrai, le souci de ce qui est juste, le souci de ce qui est digne. Tout ça, c'est complètement bafoué. Il dit, on assiste à la dictature du rentable qui condamne à mort tout ce qui est inestimable, ce qui n'a pas de prix, ce qui est désintéressé, tout ce qui est gratuit. Il dit, nous sommes au bord d'un monde où l'être humain ne vaut plus rien. Et il donne comme exemple, pour illustrer, le slogan publicitaire où une femme porte quelque chose de valeur, selon ce qu'on nous présente, et elle dit ceci parce que je le vaux bien. Bon, il y a un jeu de mots là-dedans, mais juste le fait je le vaux bien, ça veut dire que cette femme ne vaut non pas ce qu'elle est, mais la valeur du produit qu'elle porte ou qu'elle possède. Et je ne peux pas m'empêcher de lire une citation de l'auteur dans l'article. Il dit « La finance n'en finit pas de gonfler avec des zéros virtuels avant de s'évaporer par milliards dans l'éclatement des bulles. Reste la dure réalité pour les producteurs du réel. Cette liquidation des valeurs, et c'est là qu'on trouve le thème des valeurs, cette liquidation des valeurs est-elle moins grave que la fonte des glaces polaires? C'est notre humanité même qui est en jeu. En prend-on l'effrayante mesure? » Oui, ça donne matière à réfléchir en tout cas. Avant de passer à la dernière pause musicale pour poursuivre sur ce thème-là, son troisième thème d'investigation, en fait, c'est, il appelle ça l'incontrôlable évanouissement du sens. Donc on a parlé de valeur, on a parlé de la marchandisation généralisée de l'humain, il y a aussi la question du sens qui est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'incontrôlable évanouissement du sens? Il dit par exemple que le capitalisme a déjà eu un sens. Même en étant exploiteur, il reconnaît que le capitalisme a fait progresser l'humanité comme développeur. Ouais. Mais il dit depuis qu'il a quitté le monde réel et qu'il s'est installé au sommet de la finance mondialisée, on assiste à une forme de la richesse qui est déshumanisée à l'extrême. Il dit, nous entrons dans l'ère du non-sens. Et là, je cite, ce que nous vivons, c'est la faillite historique d'une classe qui accapare la richesse désormais sans but civilisé. Et il dit, c'est le règne de l'économie virtuelle créatrice de bulles. Alors, d'où ce sentiment qui est répandu, qu'on éprouve, même nous, une humanité qui est sans pilote et qui fonce dans le mur écologique et à la fois dans le mur anthropologique. Et l'auteur ajoute, « Or, si le genre humain se met à dégénérer, on ne donne plus cher du sort même de l'homo sapiens. » En fait, ce qui désigne par là, c'est l'accumulation pour l'accumulation, en fait. Il a l'air de dire qu'il y a une époque où, peut-être au début, à l'âge d'or du capitalisme, l'accumulation, c'était dans une idéologie de progrès, dans une idéologie de développement de la société, etc. Et maintenant, c'est devenu quelque chose d'autoréférentiel, quoi. On accumule pour accumuler, mais ça n'a plus aucun sens, quoi. Exactement. C'est la richesse pour la richesse. C'est ça. Alors qu'avant, on avait des capitalistes qui agissaient en fonction d'un sens. Je développais une entreprise, j'investissais en sachant que c'était à long terme. Maintenant, c'est le court terme, mais non seulement c'est le court terme, mais on ne crée même plus de richesse avec ce qui est virtuel, on crée une richesse virtuelle. C'est ça. Et puis on voit les résultats auxquels ça mène, on est en plein dedans. Merci Robert, c'est déjà tout pour la première partie. On va te retrouver après une dernière pause musicale. On a choisi de vous faire écouter Zazie avec Je suis un homme, qui résume assez bien le thème de la discussion. Donc on te retrouve Robert tout de suite après cette chanson-là, tout de suite. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson. Just On avait Zazie ici au Grain de Sable avec Je suis un homme. Alors, vous êtes avec nous jusque 13h sur les ondes de CKRL. Après, on est suivi de Olivia Vu et de Contes de Fées. En attendant, on est toujours en compagnie de Robert Jasmin. Tu sais, j'espère. Robert, est-ce que tu es toujours là ? Parfait. Alors, on parlait avec toi de la crise anthropologique hein, identifiée par Lucien Sèvres, un philosophe qui a donc écrit un article là-dessus dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci. Je vous le conseille d'ailleurs, il est excellent. Alors, on évoquait avec toi les grands thèmes qui d'après Lucien Sèvres, permettent de penser cette crise de l'humain. Et on en était au quatrième, qui d'après lui, condense un petit peu les trois premiers et il l'appelle une décivilisation sans rivage. Alors, de nouveau, hein, c'est toujours des formules très, très abstraites, très conceptuelles. Donc, est-ce que tu peux nous préciser un petit peu ce qu'il entend par là ? Oui, c'est un retour, c'est une sorte de civilisation. Mm-hmm. Et lui, c'est ça, avec la victoire totale de la libre entreprise, qui naît évidemment entre guillemets, à la fin du XXe siècle, on peut parler du début du XXIe si on veut, on nous a annoncé le règne définitif d'une paisible démocratie. Or, ce qu'on voit en réalité, c'est qu'on s'en va vers l'expansion des dictatures de la violence. Et il dit dans l'une des pires est la violence soft. Donc, la violence douce, un peu paradoxale. Il dit bien sûr qu'il y a encore des guerres, de la purification ethnique, il y a encore du pillage armé des pays pauvres, il y a encore des conflits encouragés et quelquefois fabriqués de toutes pièces par les grands marchands d'armes. Mm-hmm. Mais il y a aussi d'autres violences plus pernicieuses, quotidiennes. Par exemple, la concurrence à mort des sociétés commerciales. Qui entraîne évidemment un déferlement de ce qu'ils appellent des licenciements boursiers, c'est-à-dire des licenciements provoqués par des hordes d'actionnaires qui recherchent le plus grand. grand profit. Donc, en dehors complètement de toute considération humaine. Ça, on a un bon exemple avec en France actuellement, où on a l'usine Peugeot qui licencie 6000 employés alors qu'elle fait des bénéfices pour augmenter son cours d'action. En fait, c'est notable. À chaque fois dans les nouvelles économiques, à chaque fois qu'il y a licenciement dans une entreprise quelconque, le lendemain, l'action monte. C'est ça. On peut parler aussi comme violence soft, le flicage généralisé des entreprises, mais aussi des cités. Alors, voilà, c'est ce qu'on appelle la décivilisation sans rivage, c'est-à-dire à champ libre. C'est ça. Et donc, ça c'était pour le quatrième thème. Le dernier thème qu'il aborde, on est assez familier ici au Grain de Sable et à Attaque notamment, puisqu'on a de cesse depuis des années de le dénoncer. Lui, il appelle ça la proscription systématique des alternatives. Donc là, on voit un peu plus ce qu'il veut dire, mais si tu peux quand même nous détailler un petit peu ce qu'il entend par là. Oui, ben, la proscription, dans le sens presque interdiction d'alternatives, d'abord, on ridiculise nos proposeurs d'alternatives, ou pire, on les ignore. On organise en même temps un conditionnement médiatique qui fait croire aux gens que l'herbe actuelle est irremplaçable et inexorable. En fait, c'est le fameux TINA de Margaret Thatcher en Angleterre. On se rappelle que Margaret Thatcher disait, et c'est les mots qui forment le mot TINA, « There is no alternative ». Et ça, on a martelé ça. Et on a seulement qu'à voir comme exemple le temps présent, la crise de la dette de certains pays, où on voit l'omnipotence des marchés financiers et des agences de notation qui ont droit de vie ou mort sur le destin d'un pays. Là. Et même la crise de 2008 n'a absolument rien changé de notable au système qui l'a créé. Donc, ça veut dire que non seulement on refuse les alternatives et on dit qu'elles n'existent pas, mais en disant ça, on n'apporte rien pour corriger ce qui existe. C'est ça. Ça va de soi. Et qui fonctionne clairement pour beaucoup, ça. C'est assez inquiétant. Alors, effectivement. Si on écoute Lucien Sève et tout ce que tu viens de résumer un petit peu de son article, on se rend compte que le constat est assez sombre. Pour lui, c'est vraiment extrêmement grave, cette crise de civilisation à proprement parler. Qu'est-ce qui fait, d'après lui, qu'on n'a pas encore pris la pleine mesure de cette situation-là et donc qu'on s'en occupe pas, contrairement à ce qu'on fait au niveau environnemental, où là, on a reconnu l'urgence de la situation, même si on n'apporte pas spécialement les bonnes réponses, au moins l'enjeu est accepté, quoi. Je pense que, et on peut le dire en conclusion, en fait, qu'il faut se soucier non seulement de la cause écologique, mais de cette cause qu'il appelle anthropologique. Mm-hmm. Donc, par exemple, il n'est pas suffisant de consommer différemment. Il faut même envisager une révolution des rapports de production. Ça implique de se questionner sur qu'est-ce qu'on produit, qui le produit. Là, ça questionne même le droit de propriété, là. Oui. Pourquoi on le produit et en vertu de quelle valeur? C'est-à-dire, est-ce qu'on le produit en vertu du fait que quelques-uns font du profit ou en fonction du bien-être de la majorité? Alors, en fait, on peut même affirmer que toutes les conditions objectives dans la réalité d'aujourd'hui, toutes les conditions d'un changement radical sont réunies. Et pour qu'il y ait un véritable changement, il faut joindre aux conditions objectives des conditions subjectives. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le développement d'une conscience chez un nombre de plus en plus nombreux de personnes. Et c'est ce que le mouvement des indignés est en train de faire naître. Mm-hmm. Quelque chose, il y a quelque chose de profond qui est en train de remuer la politique. C'est une nouvelle sorte d'action. Une révolution à l'ancienne par des transformations par le haut, mm-hmm. mais un engagement à tous les niveaux. Et je pense que juste le fait de même ce matin, on le voit à quel point ça porte, il faut lire l'éditorial dans le Devoir de José Boileau, qui donne l'exemple d'une nouvelle manière de se battre. Elle parle des indignés. Puis elle fait l'éloge des indignés. Okay. Elle dit, les indignés sont arrivés à trouver un lieu, un temps, une durée pour se faire entendre. Elle dit, pas de porte-parole, pas de programme qui tient en quelques points, pas de geste d'éclat une fois les tentes installées, pas de violence, pas d'appel lancé aux célébrités pour attirer les foules, pas de prise de contrôle par un groupe organisé. C'est une véritable révolution. Mmh. Et c'est ce que j'appelle, moi, des conditions subjectives de changement. On ne peut pas penser à un changement si on se comporte de la même manière qui était celle qu'on nous a finalement, pour lesquelles on a été conditionnés dans les années passées et qui nous a amenés à la crise qu'on vit actuellement. Crise écologique et crise anthropologique. Exact. Bon, ben donc on va terminer sur cette note-là, une petite note d'espoir hein, sur la prise de conscience et sur ce qui est en train de naître et qu'on peut voir évoluer tous les jours et dont on peut être une partie intégrante aussi. Ben merci infiniment, Robert. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite une bonne assemblée avec les indignés de Montréal. Tu leur passeras notre bonjour d'ici à Québec. Et puis malheureusement, ben, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Isabelle qui a assuré la mise en onde pour la deuxième partie de l'émission. Merci à Valérie Blouin, notre animatrice, qui sera donc de retour la semaine prochaine. Et puis un immense merci encore une fois à Robert Jasmin pour son intervention et ses éclaircissements. On vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org. Je rappelle aussi que vous pouvez nous écrire à l'émission, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions de thèmes, on les recevra avec grand plaisir. Donc c'est legrainsable@hotmail.com. À suivre cette semaine, ben, comme toutes les semaines, on vous suggère d'aller faire un tour Place Saint-Roch pour voir les indignés. Ils ont une assemblée générale qui se tient là comme tous les samedis, même si le campement a été démantelé, les actions se poursuivent sous d'autres modes. Donc on vous invite à participer là, puis à ajouter votre petite pierre à l'édifice. Alors, ben, quant à moi, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous laisse en compagnie d'Olivia Vu et de son émission Compte de Fait. Tout de suite après, c'est quelques publicités, toujours sur les ondes évidemment de CKRL, cette radio unique et merveilleuse qui cultive tes goûts. À la semaine prochaine. Je tournais en rond. Je pensais à changer de programme.